Hop, j'ai vite fait le ménage. J'aime les ficelles, je bonne avec les mèches. Pas celle qui se maquille comme au Moyen-Âge. Je t'ai fait ma rime, je me rends dans ma narine. Je peine dans la poche, je fais crédit à la lime. Je changerai pas pour rien au monde et je resterai toujours en type marine. Tu veux de l'amour? Ben moi j'en cherche. Je vais trouver, je m'en balais que j'ai la chatte. À quoi ça sert que ton cœur va le cher si tu te laisses aller, que tu traces même plus la chatte? Ça sent l'été, le gros bordel. Les gros bolides, les gros cortèges. T'aimes comme on rappe, hein. T'aimes comme on débite. Toi tu restes à l'ancienne comme les Cortés. J'ai plus confiance, sortir un œil. Chaque 10 ans, sortir le ML. Parti de rien pour tout niquer. Même si tu vas finir au piqué, ça sert à rien de repiquer. Ça sert à rien de répliquer. Faut pas parler, faut oser. Sert à rien de causer. Dans le sens, viens doser. Quitte à me niquer le gosier. Pas de répute, pas de dosier. Ne viens pas négocier. Je nique tes bombes, tu laisses déjà t'appuyer sur le dossier. Ne dis pas lui, tu l'aimes, tu le casses quand il est pas là. Tu le casses quand il est pas là. Toi et moi, c'est pas pareil. J'ai le cœur dans la tête. On n'est pas les mêmes. Quand tu pars, tu fais la fête. Pourquoi tu fais le man? Pourquoi tu fais tes manières? Reste tranquille. Je fous, mais j'en ai pas l'air. Y'en a qui m'en dit. Je me demande pourquoi. Je dis aux gens, ils m'en veulent. Ils m'ont dit, tant pis pour toi. C'est bon, tu sens plus. T'as fait ton show. Tiens là, tu t'enfumes. Tu fais ton bon. Y'en a qui ont des réseaux. Y'en a qui ont dit. Y'en a qui font rien. Y'en a qui chantent. Y'en a qui font. Avant de parler, puis regarde bien qui ils ont. Y'en a qui volent, d'autres qui ont rien à se mettre. J'check le charbonneur, j'dis les chelous, la smec. Plus de confiance, non, y'a plus de poteau. Pendant que tu dors, gros, ça pisse ta moto. Samedi, tu le qu'est-ce que ça fait, y'a rien pour nous, c'est l'été. Y'a pas un entrage, on va pas se mettre à l'aider. Sentiment à péter, car on inquiété. Moi, c'est tout la crise au mic, anti-société. C'est le son attendu, comme j'étais à sec. C'était où les poteaux quand j'étais à sec? Jamais fait le mac, même quand j'étais à 6. J'nique les racistes, les bourgeois à 6. Dis-moi qui était, des fois j'sais même plus qui j'suis. Dis-moi si j'fais des fois j'sais même plus qui j'suis. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. C'est ta mère qui pleure quand t'es pas sage. On emporte rien, pense au partage. Pense à la tôle, pense au pactage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. C'est ta mère qui pleure quand t'es pas sage. On emporte rien, pense au partage. Pense à la tôle, pense au pactage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. C'est ta mère qui pleure quand t'es pas sage. On emporte rien, pense au partage. Pense à la tôle, pense au pactage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. C'est ta mère qui pleure quand t'es pas sage. On emporte rien, pense au partage. Pense à la tôle, pense au pactage. Tu veux des 10 ou du shit en Groya? Tu pars Roya, je suis dans ma paranoïa. Alors sois jalouse, y'en a qui veulent ma mort. Pourtant j'ai pas un rien, pas de chien en or. Tu parles avec lui, deux jours avant tu le critiques. Au quartier, si tu joules, pas pour pas packaging. Mais qui aurait dit que je rappe encore pour mes types? Je rappe à la scène depuis les poutres de prototypes. Pour mes guides au sud, tu chiches qu'à la soude. L'équipe pour qu'on soit soudé, la pointe à la soli. Soudé, le soir je m'endors avec du reggaeton. Je me réveille avec du funk, les gens vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Arrête de dire, je suis blindé, blindé. J'ai pas touché au quinté, quinté. Je rappe même skinté. Pas devant le synthé. Ne me dis rien, je tiens pas. Tu m'aimes pas, ne viens pas. Laisse-moi sur ma route, on a des max, j'en baisse pas. Ça va voler pour se défaucher, gros. C'est un boucan de béro. Tout ça crème, mais toi, pièce de le spéro. Fais gaffe la nuit, y'en a qui pissent ton TDM. Scooter volé pour le béton, les flics de chasse, c'est trop les blèmes. Fini l'époque de Montana, c'est dodo. Rappel en croix d'une moto, ça lève des vies pour monter. Tu m'aimes tous de bodo. Je laisse pas trop encadrer, ça passe plus à la madré. Ici, c'est mentalement la madré. Fradé, tu voulais me baiser, c'est raté. Rappé, j'ai faire que ça, j'ai même plus temps de passer à bisou gâté. Éclaté, j'ai ce qu'ils assistent, tu par terre. Tu veux grimper dans la vie, je suis plein par terre. C'est à terre, ça charge de deux dans des partenaires. Tellement les flics qui tournent, les collègues sont par cœur. C'est tout le camp, les gars, c'est one, les gars. Parti de rien pour ton niquer, je vous l'avais dit, les gars. Ça va me toucher, ça fait les gros. Ils sont beaux, ils savent qu'un chose dans le dos. Lève les mains, c'est un braquage. C'est ta mère qui pleure quand t'es pas sage. On emporte rien, pense au partage. Pense à la tôle, pense au pactage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. C'est ta mère qui pleure quand t'es pas sage. On emporte rien, pense au partage. Pense à la tôle, pense au pactage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. C'est ta mère qui pleure quand t'es pas sage. On emporte rien, pense au partage. Pense à la tôle, pense au pactage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. C'est ta mère qui pleure quand t'es pas sage. On emporte rien, pense au partage. Pense à la tôle, pense au pactage. Crise au mic, les mecs. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. Ouais, lève les mains. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. Ouais, vas-y, lève les mains. Tu m'en quittes, des fois, je suis même plus qui je suis. Tu m'en quittes, des fois, je suis même plus qui je suis. Pour tous les frérots en tol. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. Vas-y, lève les mains, c'est un braquage. La parlette. Tu m'en quittes, des fois, je suis même plus qui je suis. Tu m'en quittes, des fois, je suis même plus qui je suis. C'est la crise au mic, mec. C'est mal à madre au mic enculé. Tout Joule. Dédicace au frérot enfermé. On va pas se la fermer. C'est genre la pointe. dis grâce à Toto et Soufiane.